1 Aïe, à du 6 1 1 1 1 1 Un œil sur mes proches, un œil sur ton cash. Je calcule pas les salopes, je sais où elles se cachent. Je calcule pas la police, je sais où est-ce qu'ils flashent. Je calcule pas le président, je sais que c'est un lâche. Je prends le mic dans la salle, et tu sais que c'est réglé. Ling B qu'ils nous prennent pas pour des PD. De toute façon, y'a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Y'a que les noirs et les arabes qui ne se comprennent pas. Laisse-moi faire mon show, tu veux un putain de son, laisse-moi faire ce qu'il faut. Des fois je pète les plombs, donc je régule mon flow. Je suis négro trop, ils veulent ma peau. Ils veulent les coups du F, mais on a trop frérot. Surveille tes propos pour pas partir trop tôt. Mon équipe est sur place, frérot, y'a pas photo. Les blocs j'adore toujours, parce qu'y'a nos épaules. Faut éviter les phobies et la tôle, frère. A2S, c'est mon putain de flas. Blancote, c'est ma putain de face, frère. Le F blanc est sur place, qu'est-ce qu'il y a, négro? Dis-moi qu'est-ce qui se passe, négro. A2S, c'est mon putain de flas. Blancote, c'est ma putain de face, frère. Le F blanc est sur place, je l'avais fait, t'es sur mes rails, ça pue la défaite. Gros lit clérical, 3x16 dans la tête. Peut-être que si tu faisais moins le fou, ce serait pas ta fête. La retour, j'la bloque au grand arrêt. Aiguisé à la scie, ton rap de merde me fait marrer. Je rêve de crever une Schmitt dans les alentours. De toute façon, on sait ce que c'est pédale en cours. Parle-moi de chiffres, parle-moi de grosses liasses. Parle-moi de clips pour foirer dans ce game de grognasse. J'suis pas venu ici pour me faire un petit trou, mais un cratère. J'reste solide, vénère, déterre et réfractaire. En coloc avec la tentation. Si la voix serait de la bleue, j'aurais une plantation. Blanc code, c'est efficace, pas besoin d'approbation. J'ai que le beat, passion, tout ça en rotation. Aïe, c'est mon putain de flas. Blanc code, c'est ma putain de flas, frère. Le F blanc est sur place. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, négro. A2S, c'est mon putain de face. Blanc code, c'est ma putain de face, frère. Le F blanc est sur place, qu'est-ce qu'il y a, négro? Qu'est-ce qu'il y a, bro? Dis-moi qu'est-ce qui se passe, négro. A2S, 93, F blanc, Ling B, K2P, frère. ODH derrière, toujours pour me gérer. Quoi qu'il arrive, Luciano, Venom, la famille, hein. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Blancote, comme si je l'avais fait. Blancote, comme si je l'avais fait. Comme si je l'avais fait. Expiro Mike, bientôt dans tes putains de bacs. Putain, quoi qu'il arrive, j'ai le putain plan d'attaque. Cherche la petite bête, t'auras un monstre. Regarde ce que je te montre. Après le son, c'est là que tu te rends compte. Ton négro est déterre derrière le micro. 20ème bloc, 20ème bloc, grec à la nitro. Recherché par le FBI, descendu trop de mythos. Les frérots veulent du cash. Ils misent la poterie comme Kiro. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. Tout sur mes rails, ça pue la défaite. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. J'marche dans la street comme si je l'avais fait. T'es sur mes rails, ça pue la défaite.